Images arrachées à l'œuvre d'Ossip Mandelstam. Texte choisi par Hélène Bleskin. Traduit du russe par Jean-Claude Schneider et publié aux éditions Le Bruit du Temps, La Dogana. Je n'ai pas envie de parler de moi, mais d'épier les pas du siècle, le bruit et la germination du temps. Troisième épisode, Voyages et impressions. Le poète russe Ossip Mandelstam est né dans une famille juive à Varsovie en 1891. Il publie ses premiers poèmes en 1911 dans la revue Apollon. Il a tout juste 20 ans et vit à Saint-Pétersbourg. Ses premiers textes en prose paraîtront 12 ans plus tard, en 1923, dans un premier recueil consacré à travers ses souvenirs d'enfance, à rassembler images, sentiments et sensations pour faire entendre ce qu'il appellera le bruit du temps. Parler de lui ne l'intéresse pas. Il se considère comme un instrument, et sa mémoire aussi, qu'il utilise comme plaque sensible pour décrire la rencontre abrupte avec les choses et les êtres. Et cette plaque sensible est celle d'un regard qui pourrait s'apparenter à celui d'un peintre, notamment dans ses récits de voyage. Que ce soit en Crimée, au Caucase ou en Arménie, on y voit Mandelstam porter un intérêt presque ethnologique au visage, au costume, aux gestes quotidiens, à l'architecture, au paysage, à la diversité du monde. Pour lui, chaque moment de vie, surtout si elle est menacée, est porteur d'une intensité exceptionnelle. Je n'ai pas envie de parler de moi, mais d'épier les pas du siècle, le bruit et la germination du temps. Ma mémoire aborde tout ce qui est personnel. S'il ne tenait qu'à moi, je répondrais à l'évocation du passé par une simple grimace. Jamais je n'ai pu comprendre les Tolstoï et les Aksakov, les descendants de Bagrov épris d'archives familiales, d'épiques réminiscences de la vie privée. Je le répète, ma mémoire n'est pas amoureuse. Elle aborde. Sa tâche n'est pas de restituer le passé, mais de s'en éloigner. L'intellectuel n'a que faire d'une mémoire. Il n'a qu'à raconter les livres qu'il a lus, et sa biographie est toute prête. Là où, pour les générations heureuses, la poésie épique s'exprime en hexamètre sous forme de chronique, ma gorge ne connaît que béance. Et, entre le siècle et moi, bâille une crevasse, un fossé comblé par le temps qui bruit, lieu affecté à la famille et aux archives domestiques. Qu'avait-elle à dire, ma famille? Je ne sais. Elle bégayait de naissance, là où elle aurait eu assurément quelque chose à dire. Il pèse sur moi, sur nombre de mes contemporains, ce bégaiement natal. Nous n'avons pas appris à parler, seulement à balbutier. Et c'est à force de prêter l'oreille au bruit grandissant du siècle, d'être blanchi par l'écume à la crête de ces vagues, qu'une langue nous a été donnée. Septembre 1919 à septembre 1920, Mandelstam a vécu à Théodossie, Féodossia en russe, sur les bords de la mer Noire en Crimée. À cette époque, la Crimée était au pouvoir des Russes blancs, d'abord sous l'autorité du général Denikin, puis sous celle du général Wrangel, lequel devra évacuer la péninsule en novembre 1920 après l'offensive réussie de l'armée rouge. Féodossia a été écrit en 1924. Extrait. Féodossia, l'oiseau de la petite vieille. On a suivi jusqu'au bout la rue d'Italie, au-delà des ultimes magasins. On laisse derrière soi la galerie envahie d'herbe du bazar, où se tenait autrefois le marché au tapis. Et après la maisonnette française avec son lierre et ses jalousies, où mourut de faim dans son salon douillet la théosophe Anna Mikhailovna, le chemin mène tout droit au faubourg de la quarantaine. Le faubourg de la quarantaine. Un labyrinthe de maisonnettes très basses, enduites d'argile, aux fenêtres minuscules. Des ruelles zigzagantes aux murs de terre pas plus hauts qu'un homme, où on se cognait tantôt à une corde roidie de gel, tantôt à un coriace buisson de cornouiller. Pitoyable herculanum d'argile qu'on vient à peine d'exhumer, défendu par des matins féroces. Une bourgade où on se promenait le jour comme à travers des ruines romaines, et où la nuit, dans des ténèbres sans faille, on était prêt à frapper chez n'importe quelle bourgeoise pourvu qu'elle vous mette à l'abri des chiens méchants et vous laisse approcher du samovar. L'eau était la grande préoccupation du quartier. Les habitants prenaient soin de la citerne gelée comme de la prunelle de leurs yeux. Sur la colline escarpée, où un comité de femmes criardes n'en finissait pas de jacasser, les ruisseaux d'une eau péniblement pompée n'avaient pas le temps de se prendre en glace. De peur qu'en soulevant les seaux remplis à ras-bord, l'eau ne se répande, les commères scellaient leurs fardeaux glacés avec des copeaux de bois flottants. L'idylle de la quarantaine dura pendant quelques jours. Dans l'une de ces maisonnettes d'argile, j'avais pris une chambre chez une petite vieille pour le prix d'un œuf de poule. Comme tous les propriétaires du coin, elle vivait dans une propreté festive d'avant la mort. Non contente de mettre de l'ordre dans sa petite maison, elle la soumettait à un rituel. À l'entrée, un minuscule lave-main distribuait une eau si parcimonieuse que le robinet s'asséchait avant qu'on ait fini de le traire. Et des odeurs stagnaient, pain, vapeur de pétrole dégagée par une lampe au verre mat qui ressemblait à un jouet d'enfant, respiration épurée de vieillard. La pendule faisait entendre sa grosse voix, et comme du gros sel, la clarté hivernale des étoiles se déversait en pluie dans la cour. J'étais content qu'une haleine ait réchauffé ma chambre, que quelqu'un vaque de l'autre côté de la cloison, prépare le repas composé d'une pomme de terre, d'un oignon et d'une pincée de riz. La petite vieille veillait sur son locataire comme on soigne un oiseau, s'imaginant qu'il lui incombait de changer son eau, de nettoyer sa cage, de lui mettre des graines. À l'époque, il valait mieux être oiseau qu'humain, et devenir celui d'une petite vieille était une tentation de poids. Lorsque Denikine abandonna Koursk en novembre 1919, le commandement de l'armée blanche avait rassemblé les cheminots. On les avait embarqués avec leurs familles dans des wagons de marchandises chauffés, et ils n'en revenaient pas de rouler vers la mer Noire. À présent, cette ferroviaire basse-cour kourskienne, enlevée aux barreaux sur lesquels elle dormait bien au chaud, s'était fixée dans la quarantaine, dont elle avait adopté les habitudes, récurant ses casseroles avec de la brique. Mais elle ne s'était pas débarrassée de son étonnement. La vieille évoquait avec une superstitieuse terreur comment on les avait arrachés à Koursk. Et son récit ne mentionnait pas de voyage de retour, tant semblait inexorable qu'on les avait amenés ici pour mourir. On sortait par une de ces nuits glaciales de Crimée. On prêtait l'oreille au bruit des pas sur la terre argileuse, sans neige, gelée comme le sont dans le nord nos ornières en octobre, palpant du regard ses sépulcres dans l'obscurité, les coteaux de la ville populeux mais aux foyers éteints, avalant à pleine gorgée ce brouet d'une vie assourdie, interrompue par l'aboiement des chiens et salée par les étoiles. On ressentait physiquement, avec acuité, la peste descendue sur le monde, une guerre de 30 ans avec ulcères et bubons, avec ses feux étouffés, ses chiens aboyants et ce terrible silence dans les maisons des petites gens. Décembre 1921, au retour d'un voyage au Caucase, Mandelstam séjourna à Batoum, en Géorgie. La Géorgie, après 3 années de démocratie indépendante, venait de passer sous le contrôle de l'armée soviétique. Le début du texte Batoum a été publié en 1922 à Rostov, dans le sud soviétique, puis dans la Pravda. Batoum. La ville entière s'embrasse d'un seul coup d'œil. On n'y sent ni confins ni distance. Elle se traverse comme une chambre, et l'air, toujours un peu frais, y est celui d'une chambre. Presque aussi petite qu'un jouet, cette cité que des circonstances liées à notre époque ont élevée au rang de Californie russe de la spéculation, fonctionne selon un mécanisme d'une simplicité extraordinaire, dont le ressort est la lyre turque. Son cours, c'est probable, fluctue de nuit, pendant que tout le monde dort. Le matin, en effet, les habitants se réveillent avec une monnaie qui n'a plus la même valeur, et personne ne sait comment cela s'est produit. Le pouls de la lyre bat dans le sang de chaque batoumien. Le nouveau taux est proclamé à chaque lever du jour par les boulangers. Ce sont de paisibles Turcs, courtois et agréables, qui vendent le traditionnel lavash fait de pur blé américain sans levure. Le matin, le pain vaut 10 lire, 14 dans la journée et 18 le soir, mais le lendemain matin, on ne sait pourquoi, 12. D'occupation, les habitants n'en ont aucune. On estime que le commerce est l'état naturel de l'homme. Sur un fond de population aborigène, les rares travailleurs soviétiques tranchent fortement par leur manque de lire et parce qu'ils touchent au pain noir, sur lequel aucun authentique batoumien ne porterait les yeux. D'hiver, point. À chaque pas qu'on fait, des vendeurs de mandarines et des garçons sales avec baklava et bouzinaki. La mer, d'un bleu tendre, presque tiède, bat doucement contre les hauts flancs du prince Ferdinand. Il arrive tout juste de Constantinople. Cet hôtel à ponts multiples, où pendant le voyage, le cristal tremble à la table d'hôte. De jeunes négociants de Constantinople, en bottines jaunes vifs, égrenant des chapelets d'ambre, volent le long du quai. Toutes les boutiques ont leurs portes ouvertes sur le quai. Là, dans l'intimité que dispense la pénombre, des persans, apathiques, adipeux, conversent, l'air important, à peine écrasés par le poids de leurs propres marchandises. Tissus, sucre, savon, chaussures. Malheur à vous si vous vous avisez d'entrer dans une de ces échoppes pour demander le prix de quelque chose. On pourra, par mégarde, vous vendre pour 2 milliards de denrées. La langue dominante à Batoum est le russe. Même les étrangers les plus épais se risquent à le parler au bout de 3 jours. Ce qui est d'autant plus cocasse qu'il n'y a quasiment pas de Russes ici. Et éventuellement guère de Géorgiens. Une ville sans nationalité. Les gens l'ont perdu à force de faire la chasse au profit. Voici un fait qui montre à quel point Batoum est profondément coupé de la Russie. Dans la plupart des cinémas locaux, passe un film italien sur la vie russe, Vanda Varenin. Rien que le titre est un poème. L'étonnant scénario montre des femmes russes, portant comme les Turcs un voile noir qu'elles n'enlèvent qu'à la maison, et des princes russes en costume d'opéra, sortis de la vie pour le tsar. Leurs traîneaux tirés par des troïkas ou harnais anglais rappellent en outre les drakkars tarabiscotés des vikings. J'ai assisté à cette projection. Personne dans la salle bondée ne s'étonnait ni ne riait. Tout le monde, à l'évidence, trouvait cela parfaitement naturel. C'est seulement lorsque le film italien montra une noce russe et les jeunes mariés conduits à l'église avec une énorme couronne sur la tête qu'une poignée de soldats de l'armée rouge, ne pouvant plus se contenir, se mirent à maugréer. Les émigrés venus de Crimée donnent à Batoum son visage tout à fait singulier. Le pays s'est maintenant appauvri. Les habitants ont bien du mal à s'en tirer et chaque traversée du Pestel débarque à Batoum par fournée des réfugiés de Féodossia, de Yalta, de Sébastopol. Ils commencent par errer dans la rue de Grèce comme des poulets plumés, mais au bout de quelques jours, ils retrouvent leurs plumes et deviennent citoyens à part entière de cette ville libre. Pluie, pluie, pluie. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre un pied dehors. Qu'elle tombe, cette eau, même demain et après-demain. La pluie d'hiver, ici, est une grandiose douche tiède qui dure quelques semaines. Personne ne la redoute. Si les affaires l'exigent, le batoumien se rend là où il doit aller, même lors d'un déluge où Noé n'aurait pas osé se pencher hors de l'arche. Voici en bottes de chasseur, dernière livraison de la coopérative, un Union Centralnik qui se hâte d'aller servir sa natale Union Centrale. Il passe hardiment à guet les flaques les plus aventureuses, choisit exprès les plus profondes. Mais la pluie ne tombe pas éternellement. Comme par magie, les rues sèches, immaculées. Le déluge batoumien est un royaume où l'eau déborde. La pluie passée, la ville n'a fait que se laver et se rafraîchir. Commencent alors les promenades hivernales sur le boulevard. En janvier, les gens sont assis sur les cailloux chauds de la plage, tout près des vagues, sauf qu'on ne se baigne pas. C'est maintenant la fête pour les cafés turcs du port, là où bat le cœur de toute cette ville. Ces petits clubs, ces bourses. Il y fait chaud, c'est la tabagie. L'air est alourdi par les vapeurs aromatiques du café. Au fond couvent les charbons dorés du brasero qu'on n'éteint pas, et sur lequel le patron en personne prépare le divin breuvage dans des creusets en cuivre. Le serveur n'en peut plus de porter les petites tasses de café qu'accompagne un verre d'eau froide. Passe le vendeur de journaux. Il tient une provision de quotidien dans toutes les langues, à chacun le sien. Un vieux turc vénérable achète le communiste en turc et lentement le lit à voix haute pour les autres. Qu'est-ce qu'il comprend, ce marchand, ce patriarche, à la nouvelle doctrine qu'on lui propose ? C'est le crépuscule, pourtant Batoum n'a pas envie d'aller dormir. Dans la rue Marinskaya, se déverse jusque tard dans la nuit une avalanche ininterrompue à l'humeur festive. Chaque personne de cette foule, on le sent, a fait des affaires. Elle vient recueillir les fruits de son habileté commerciale. Les stands et portes cochères où s'entassent les produits, parmi lesquels, consolation du sud hivernal, la mandarine, diffuse une vive lumière. Une poignée de gamins délurés et sales dansent une lesginka, se jettent dans les jambes de passants terrifiés qui achètent leur liberté moyennant une menue aumône. La foule est tellement animée que sa rumeur joyeuse et bruyante monte jusqu'au troisième étage et berce votre premier sommeil. Dans le même temps, des quartiers entiers sont aussi morts que le désert. Ceux, particuliers, des boutiques en bordure de mer, rues complètement éteintes, plongées dans l'obscurité, volets hermétiquement clos de lourds cadenas. Seuls, déambulent avec leurs infatigables crécelles les veilleurs de nuit chargés de protéger les milliardaires endormis. De fait, la lumière perce par endroits les volets de fer. Dans beaucoup de ces boutiques, des gens habitent. Il y a à Batoum, c'est un fait, pénurie d'habitation. Il n'y a même pas de crise du logement. Celle-ci a été écartée de façon très simple. L'impossibilité de se loger est telle qu'il ne vient à l'idée de personne de chercher un appartement. Si vous venez d'arriver, on ne vous demande pas où vous habitez, mais où vous passez la nuit. La peur des personnes sans domicile est si grande qu'on ne peut laisser ses affaires dans aucun café quand on sort de la gare. Les cabaretiers sont persuadés que vous reviendrez chez eux pour la nuit, et ils craignent cela comme la peste. Les petits commerçants nichent dans leurs boutiques, dans des bouges pas plus grands qu'un galetas pour chien. Comment se débrouillent les gros négociants, c'est un mystère total. Manifestement, la lyre sait vaincre les lois de l'espace. L'étranger qui limitera à Batoum sa visite de la Fédération soviétique aura une impression très bizarre, mais pour moi, cette ville suffit amplement à donner un aperçu des charmes de Constantinople. Nul ici ne se plaint des difficultés de l'époque. Unique détail, faisant songer qu'il existe des personnes sans le sou, de nombreuses pancartes ornent sans faute la moindre échoppe, le dernier des troquets. Crédit à personne, avec les orthographes les plus fantaisistes. Or, le vrai commerce ne peut se passer du crédit. Et en fin de compte, il suffit d'acheter quelque part un paquet de cigarettes pour en obtenir un autre à crédit le lendemain. Dans un bistrot du port, j'ai pu observer des patrons qui étaient toujours sous, au point de tomber presque dans le coma. Je doute que ceux-là parviennent à joindre les deux bouts. Tout ici est ventre, culte de la lyre. Mais la ville connaît aussi les plus hautes aspirations. Quelque chose pour l'âme. Le cercle SCA, rue Marinskaya, la société des créateurs d'art. Elle présente des expositions ridicules de peintres sur maculature. Les Grecs de passage en raffolent. Esthètes et snobs du coin font les 100 pas le long d'huile criarde en se croyant à un vrai vernissage. Les dames s'y adonnent à l'apprentissage du chant, de la musique et des arts plastiques sous la direction de spécialistes expérimentés. Il y a même à Batoum des poètes, vous en imaginerez difficilement de plus raffinés. La ville tombe constamment sous la coupe de charlatans qui passent par là. Des professeurs, lecteurs. L'un d'eux a organisé un jugement public de Judas Iscariote, à l'occasion duquel il annonçait sur les affiches, sans y avoir été autorisé, la participation d'un tribunal révolutionnaire local, ce qui lui a valu d'être à son tour poursuivi en justice. Chaque samedi, La ville retentit d'une musique militaire appelant à une réunion publique. Il y a alors bombance toute la nuit, avec soirée de bienfaisance au bénéfice de ceux qui ont faim, avec loto, enchères à l'américaine et autres réjouissances du même acabit. On y récolte des milliards. Que dire du Batum d'aujourd'hui ? Une ville libre, commerciale, une Californie, paradis des chercheurs d'or, chaudron crasseux de la rapacité, de la tromperie, fenêtre douteuse sur l'Europe pour le pays des soviets, charmant port de Méditerranée à demi-oriental, avec ses cafés turcs, ses marchands polis, ses marins de commerce russes, qui foulent ce sol carnassier avec la même insouciance qu'ils ont foulé celui de Shanghai ou de San Francisco. On retiendra que l'air du Batum contemporain, chauffé par le soleil, humide, malsain, est imprégné d'irrévérence envers la future Russie prolétarienne, envers son désir d'édification, sa posture morale, sa souffrance. Quant à l'intérêt commercial de Batum, il n'est pas si grand. On l'a fortement exagéré. Ces montagnes de marchandises entassées dans les entrepôts, si on y prête attention, c'est une camelote indécente, naguère réservée aux colonies, à des sauvages. Notre slogan devrait être le suivant. S'affranchir le plus tôt possible de l'hégémonie de Batum, afin que notre maison laborieuse se rafraîchisse au vent salé de mer, entrée par les fenêtres de ports salubres. Odessa, Novorossiysk, Sébastopol, Pétersbourg, d'où ont déjà été enlevés au moment voulu les vitrages d'hiver. Comme est lent le pas des chevaux, faible la lueur des lanternes. Les inconnus sans doute savent où ceux-là veulent me conduire. Je me fie à leur vigilance, mais j'ai froid, envie de dormir. Lors d'un chaos dans un virage, je heurte le raid d'une étoile. Ma tête qui brûle et vacille, la main inconnue, glacée, tendre, la ligne des sapins obscurs, chose neuve de l'inconnu. 1911. Чужие люди верно знают, куда везут они меня. C'était Pages arrachées à l'œuvre d'Ossip Mandelstam. Texte choisi par Hélène Bleskin. Traduit du russe par Jean-Claude Schneider. Les œuvres complètes d'Ossip Mandelstam ont été publiées en 2018 aux éditions Le Bruit du Temps, La Dogana. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Troisième épisode, avec Laurent Manzoni, Julie Pouillon, Vincent Berger et Peggy Martineau. Prise de son, montage, mixage, Cédric Chatelus. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Cédric Ossire.